Ouais, papa, pour tous ces jours de vie anéantie, ma description, RG, ouais. Début 80, alors je n'étais qu'un petit bambin. C'est là que tout s'est joué, mes premiers pas vers la vie. Seul dans mon monde, je me lance pour croquer à fond dans ma jeunesse. Sans savoir qu'en moi une bombe à retardement. Mon agressivité constante m'a mené trop souvent dans la zone rouge. Et ça finit par déporter. À mes 4 ans, à l'ouverture de ma première classe de maternelle, il m'a fallu 6 mois pour me faire virer. Et encore, je me retrouve séparé. Et je sens que c'est ma destinée. Gros jeune, un problème en brûlant toutes les étapes. Et ça finit dans la délinquance. 12 piges, j'ai la carte à vue. Premier contact avec ses potes. Plus j'ai été figé, chaque jour un pas de plus dans l'engrenage. Et plus la sanction tombe, 15 piges et c'est l'incarcération. Isolé pour tous ces jours de liberté volée. Pour y côtoyer de gros brigands qui m'ont donné de grandes idées. Percé dans ce monde pourri. Face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer. Face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer. Face à moi-même, je repense à toutes ces erreurs commises. Je repense à tout ce que j'ai construit puis détruit. Bap ce phénomène, et puis vient le temps d'argent facile. Et ça fait plaisir, tuer les gangsters dans la ville. Pour le premier pilon, et la bagarre avec ce flic à l'intersection. J'étais abonné au patoton, emprisonnant maison d'arrêt. Et on s'enfermait, mais rien m'a calmé. 96, c'est l'envie de la petite amie. Putain, ça s'agit, mon cœur souffre pour cette fille. Et ça dure 4 ans avant le premier baiser. Je me voyais pas m'en sortir, faut dire vrai, c'est la seule qui m'a aidé. Jusqu'à jour, elle m'a parlé. S'est tombé, elle m'a même donné l'envie de travailler. Le rêve d'avoir ma famille et sa boîte art des 2000 appartements. Et j'ai commencé à respirer, j'ai vu ce que mon père endurait. Je sais que je l'ai pas gâté, mais trop tard sans les regrets. Et j'ai vu son soulagement, et à partir de là on s'est retrouvé. Pour toutes ces années perdues, face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer. Face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer. J'ai jamais dit je t'aime à ma mère ou à mon père. Pourquoi cette fierté? Je sais que j'en ai loupé des bonnes choses dans ma vie. Pleine partie de ma description et de mes visions. 2004, donne la vie au petit Salim. Chaque jour c'est un bonheur de le voir s'épanouir jusqu'à ses premiers pas. Et là je me vois à travers lui, prête à tout pour lui. En tout cas je te jure il sera à l'abri. Je verrai sur lui jusqu'à la dernière minute de ma vie. Un grand merci à sa maman pour ce si bel enfant. C'est vrai que ça m'a changé, empêché de tomber au bord du gouffre. Pensée réelle, ex-criminel et rond de mes ruelles. Repentit l'envie de vivre libre, loin du mal et du chétan. J'ai pris mon envol avec le 95 RG. Destination liberté, à l'air pur pour y retrouver ma foi. Et garder la foi, plus comme un hors-la-loi. À travers les frontières et non les ombres. Papa phénomène de société, phénomène de société. Au bas de ces halls, ouais. Face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer. Face à une arme, j'ai fini par tirer l'alarme. Face à une arme, j'ai vu ma putain de vie tourner au drame. Enfance triste, jeunesse cachée, liberté volée. Dis-leur que personne m'empêchera de respirer ou de m'exprimer.